J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le matin, 31 mars 1892. Ravachol arrêté. Ravachol, l'insaisissable Ravachol, est enfin sous les verrous. On pourra longtemps épiloguer sur les hasards qui se présentent fort à propos pour sortir les policiers de l'embarras, mais il importe peu que l'arrestation du dynamiteur stéphanois soit due à une circonstance toute fortuite, pourvu qu'on se soit enfin emparé de lui et qu'on l'ait mis dans l'impossibilité de poursuivre son œuvre de dévastation. L'arrestation de Ravachol a été opérée par M. Drech, commissaire de police du quartier de la Porte-Saint-Martin. Ce magistrat a montré, en cette circonstance, beaucoup de sang-froid, une grande présence d'esprit et un véritable courage. Au numéro 22 du boulevard Magenta, un peu avant d'arriver à la rue de l'Ancrie, se trouve un petit restaurant d'apparence modeste dont voici l'enseigne. Cuisine bourgeoise, maison Véry, vin, traiteur. Ce restaurant est surtout fréquenté par des employés de commerce. On y voit fort peu d'ouvriers. Dimanche dernier, à 10h30 du matin, un homme entrait dans la boutique. Il était vêtu d'un pardessus, d'une redingote et d'un pantalon en drap noir. Il avait comme coiffure un chapeau haut de forme, tout luisant d'un récent coup de fer. Sa démarche était délibérée, ses manières ne manquaient ni d'élégance ni même d'une certaine distinction bourgeoise. Il avait une canne à la main. Cependant, l'homme paraissait inquiet, soupçonneux. Son visage n'avait pas été rasé depuis 8 jours au moins, et sa barbe mal soignée contrastait singulièrement avec l'arrangement de sa chevelure. Son front, vaste, légèrement bombé, était orné de 2 bandeaux symétriquement disposés. L'un d'eux cachait à demi une cicatrice qui s'allongeait vers la tempe gauche. L'individu alla s'asseoir à la 3e table de la rangée de gauche, tournant le dos à la lumière. Il se trouvait ainsi dans une sorte de pénombre. 3 jeunes gens, amis du garçon du restaurant, Jules Leroux, âgé de 34 ans, étaient assis à une table de la ligne de droite. L'inconnu se fit servir un potage, une bouteille de vin, un roast beef et des pommes sautées. Pendant 10 minutes environ, il écouta, tout en mangeant, la conversation des jeunes gens. Jules Leroux racontait à ses camarades ses prouesses quand il était soldat au 4e régiment de Zouave à Tunis, précisément dans la compagnie commandée par le capitaine Drian, gendre du général Boulanger. « Ah, vous avez été au 4e Zouave, » dit l'inconnu. « C'est comme moi, c'était un bon régiment. Mais les officiers étaient des rosses comme ils le sont tous. » Puis, subitement, la physionomie de l'homme changea. Sa face s'empourpra. Il lança des regards fulgurants du côté des jeunes gens et leur fit une véritable conférence anarchiste, scandant de coups de couteau sur la table chacune de ses périodes. « Oui, » dit-il, « l'armée est pourrie. Les officiers sont des brutes et les soldats des esclaves. Lisez les journaux révolutionnaires, vous y verrez l'exposé de nos revendications et vous apprendrez à connaître vos droits. Soldats, employés, ouvriers, vous crevez de faim tandis que les bourgeois se gavent. Leurs enfants sont gros et gras, et les vôtres ne trouvent même pas une goutte de lait au sein de leur mère quand ils ont soif. Il faut que tous ces gens crèvent, et le meilleur moyen de détruire cette sale race de bourgeois, c'est de lui mettre de la dynamite au derrière. » Leroux et ses camarades se regardèrent, ahuris, se demandant s'il n'avait pas affaire à un fou. « Oui, » continua l'inconnu, « vous ne savez pas ce que les compagnons ont fait ce matin ?»« Eh bien, ils ont fait sauter une maison 39 de la rue de Clichy. Il y avait des magistrats dans la maison, une sale vache de substitut qui a fait condamner nos frères. Je vous le dis, ça a éclaté ferme, et il doit y avoir de la viande sous les décombres. » Et l'homme se mit à rire bruyamment en se renversant sur sa chaise. Vers 11h30, l'inconnu sortit. « Au revoir, l'ami, » dit-il au garçon. « Tu entendras parler de moi d'ici peu, et je reviendrai te voir. » À suivre.